Bienvenue à vous tous, chers auditeurs de Chaîne Inter. Quelles sont les deux choses importantes, étroitement liées et interdépendantes? Eh bien, c'est l'eau et l'énergie. Elles sont importantes au quotidien et leur préservation s'impose de plus en plus. Produire de l'énergie hydroélectrique, nucléaire et thermique nécessite des ressources en eau et inversement, on a besoin d'énergie, environ 8% de la production mondiale, pour pomper, traiter et distribuer l'eau aux usagers. Attirer l'attention de tous nos auditeurs sur l'importance de l'eau et de l'énergie, c'est promouvoir leur gestion durablement grâce à une véritable prise de conscience environnementale. Et parmi les messages clés à retenir, économiser de l'énergie, c'est économiser de l'eau et vice-versa. L'eau nécessite de l'énergie et l'énergie requiert de l'eau. Les ressources sont limitées et la demande s'accroît surtout quand on sait que plus d'un milliard de mâles nantis de la planète nécessite aujourd'hui de toute urgence d'avoir accès à des services d'eau et d'assainissement ainsi qu'à l'électricité. Améliorer l'efficacité de l'eau et de l'énergie s'avère impératif et impose une politique de gestion coordonnée, cohérente et concertée où la sensibilisation des citoyens, tout âge confondu, est primordiale. L'eau que l'on utilise quotidiennement pour boire, se laver, nettoyer, a nécessité beaucoup d'énergie pour son extraction ainsi que pour sa dépollution. D'autre part, les ressources mondiales en eau potable sont beaucoup plus restreintes que ce que l'on peut imaginer en observant un planisphère, car si 71% de la surface de la Terre est bien couverte d'eau, cela ne signifie pas pour autant que nos réserves en eau sont illimitées. En conclusion, il faut retenir la chose suivante. L'eau et l'énergie sont un bien précieux, une richesse inestimable dont les générations futures auront besoin tout autant que nous. Alors, soyons responsables en disant non au gaspillage, pas seulement par la parole, mais plutôt par l'action. Merci à vous tous et très belle journée à l'écoute de Chaîne Inter.